Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour les Infinite Wars 2015. Ils étaient 168 personnages au tout début des Infinite Wars il y a maintenant 2 mois. Ils ne sont plus que 64, 32 personnages des univers comics et 32 personnages des univers écran. Chaque semaine, nous vous proposons un combat qui opposera 8 personnages. Il ne restera qu'un à la fin de chaque émission avant la grande finale qui aura lieu le dimanche 6 septembre. En direct, le round 1 des Infinite Wars, c'est maintenant. Et avec moi pour le premier round des Infinite Wars 2015, Arnaud. Salut. Byron. Salut. Qui pour le moment on n'a plus de champion à défendre. Ouais. Clément. Bonsoir. Nib. Salut. Et Elvire. Salut. Beaucoup de monde donc pour venir défendre ces champions. Petit rappel des règles puisque c'est la première émission. Les auditeurs ont voté depuis maintenant un mois et demi pour faire un petit peu le ménage et ramener de 168 à 64 survivants. Tous les personnages ont été répartis en 8 émissions qui contiennent chacune 8 personnages qui vont s'affronter en duel jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Le fonctionnement pour les votes est le même qu'à l'Eurovision, c'est-à-dire que les auditeurs et lecteurs du site comicstories.fr ont voté pour chaque émission, pour tous les personnages qui étaient présents dans une même émission, et en fonction du classement des votes, un certain nombre de points de 1 à 5 ont été attribués automatiquement aux personnages, donc ce sera des points entre guillemets d'avance qu'ils auront avant même de combattre. Jusque là tout va bien. Le premier twist de ces Infinite Wars, je vais l'expliquer également aujourd'hui parce que c'est la première émission, chaque coach a le droit de faire un deadshot, c'est-à-dire que avant un combat, il peut annoncer clairement et simplement qu'il sort son joker et que son combattant est automatiquement qualifié pour les tables d'après. On peut le faire une seule fois pour les émissions comics et une seule fois pour les émissions séries. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors on va commencer avec le premier duel. Le premier duel oppose ce soir un personnage de Clément puisqu'il s'agit de Batman. Et ce personnage de Clément va affronter un de mes personnages puisqu'il s'agit de Dick Grayson. Alors Batman versus Dick Grayson, c'est parti. Clément, je te laisse présenter ton champion. Ça commence bien. Ouais, ça commence très bien. J'ai gagné, c'est bon. Non, mais non. Batman et plusieurs incarnations, donc Bruce Wayne et Dick Grayson, c'est un peu l'icône de DC Comics, aussi tant en matière de comics que disons d'ailleurs. Que dire. Pourquoi tu l'as choisi? J'adore le personnage. C'est un personnage très intéressant dans sa psychologie, je trouve. Puis il rocks pas mal. Hein. Il a quand même mis des misères. Hein. Faut quand même rappeler qu'il a quand même foutu la misère à Apocalypse. Il a allé foutre son bordel sur Apocalypse récemment dans les comics. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il a un peu un armada. Il est un peu cheaté, quoi, parce qu'il arrive aussi à faire la peau à Superman, donc bon, c'est pas anodin, quoi. Ok. Pour ma part, je vais défendre Dick Grayson, qui est apparu pour la première fois en 1940 dans Detective Comics numéro 38. Il a porté évidemment le costume de Robin aux côtés de Batman Bruce Wayne, puis il a porté également le costume de Nightwing, ce qu'il est redevenu maintenant, et puis entre-temps, il est effectivement devenu Batman pendant l'absence de Bruce Wayne, on va dire, qui était piégé dans le temps, etc. Pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que c'est un personnage qui a cumulé l'identité de Robin, Nightwing et Batman. C'est juste les trois personnages les plus cools de l'univers DC réunis en un seul. Donc le choix était vite fait pour moi. Clément, pourquoi Batman devrait battre Dick Grayson? Batman, c'est il a eu ses différentes incarnations à travers différents Batman, donc Bruce Wayne et Dick, mais Batman, c'est surtout la représentation d'un symbole, d'un symbole d'auteur pour les méchants de Batman, les opposés à Batman. Donc c'est toute la symbolique que Batman représente, qu'il surpasse Dick Grayson, un symbole d'espoir et un symbole de peur. Mmh. peux rentrer dans Batman envers les méchants. On va Ok. dire ça comme ça. Et ben c'est justement pour ça qu'il devrait perdre, tout simplement parce que le personnage que je choisis ne représente pas la peur et pourtant arrive à rendre la justice. Trapéziste qui a perdu ses parents, je voudrais pas jouer sur la corde sensible, mais quand même, il a pas une vie facile. Il a quand même dû supporter le fait de dormir dans le même lit que Batman pendant des années que Bruce Wayne, ce qui devait pas non plus être facile. Au final, il est devenu Nightwing, puis Batman. Il a dû affronter son passé à plusieurs reprises, il s'en est toujours sorti. Enfin voilà, Dick Grayson, clairement. Je peux pas parler des adaptations ciné, notamment télé, parce que c'est malheureusement pas un personnage télé, c'est le personnage comics que je défends. Mais ça pourrait améliorer encore sa cote de popularité. Avant qu'on passe au point, au vote, Clément, est-ce que tu veux sortir ton Joker? Non. Et moi non plus. Alors, les auditeurs ont attribué 4 points à Batman et 3 points à Dick Grayson. Maintenant, il faut que chaque personne donne ses points, soit à Dick, soit à Batman, chacun son tour. Clément, évidemment, j'imagine que tu votes pour Batman. Bah oui. Hein? Bravo. Pour ma part, évidemment, je vote pour Dick. Alors maintenant, on va passer aux autres. Arnaud. Dick. Merci. Elvire. C'est difficile parce que je connais plus Batman et que ça a été mon super-héros préféré, mais il a été tellement mal défendu et Dick Grayson a été tellement bien vendu par Mathieu que je vais plutôt aller vers Dick Grayson parce que ça m'a intrigué. Merci. Nib, à toi. J'adore Batman, mais là j'avoue que dans le duel je vais voter Dick. Merci. Comment tu t'y fais tout d'ailleurs? Et Byron. Moi je votais pour Batman parce que j'ai quand même envie de donner un vote à Clément. Oh c'est mythique. Score final 10 à 7 pour Dick Grayson qui remporte donc ce premier combat et qui élimine d'entrée. Bande de vendus. Surtout élimine d'entrée Batman. Bande de vendus. Première grosse surprise. Toi, t'aurais dû utiliser ton Joker. Deuxième combat, c'est un personnage d'Elvire, She-Hulk, qui va affronter un personnage de Clément. Va-t-il encore se faire poutrer? Cette fois-ci, c'est Talia al Ghul. Clément, je te laisse présenter Talia al Ghul. Talia al Ghul, c'est la fille du démon, la fille de Ra's al Ghul. Donc, pendant un temps, elle est l'héritière de la Ligue des Assassins et qui a dirigé, me semble, la Ligue des Assassins. Et également qui a géré une organisation secrète dans Batman Incorporated, j'ai oublié le nom mais c'est pas grave, et c'est surtout aussi la mère du fils de Bruce Wayne, donc la mère de Damian Wayne, voilà. Elvire, She-Hulk. Alors moi c'est She-Hulk, donc c'est la cousine de Bruce Banner, elle est aussi connue sous le nom de Jennifer Walters, qui est avocate. Elle est devenue She-Hulk parce que, comment dire, elle a eu un accident et il y avait que Bruce Banner qui pouvait donner son sang, donc ça lui a aussi donné ses caractéristiques. Mmh. Pourquoi Elvire, She-Hulk devrait mettre sa pâtée à Talia? Elle nous rêvait, vas-y. Ouais. Déjà, tu vois, je l'ai choisie parce que elle me ressemble un peu. Verte. Alors j'ai gardé que les yeux, je cache le reste pour la nuit. Mais ouais, une avocate le jour, donc quelqu'un qui combat l'injustice à visage découvert et qui combat aussi l'injustice à visage caché avec son identité secrète. Et donc voilà, pour moi c'est l'incarnation comment dire, bah, du combat pour contre l'injustice. En plus, elle doit c'est pas facile, le vert, c'est pas très saillant pour la, à part pour les yeux, mais pour la peau, c'est pas très saillant. Elle a pas choisi, comme, parce qu'il y a des personnages qui ont choisi leur transformation, elle, ça lui a été imposé. Tout comme Bruce Banner, elle doit, comment dire, elle doit jongler avec ça, parce que c'est pas un pouvoir non plus qui est très facile à gérer et à avoir. Mais elle continue quand même, malgré ça, à avoir sa, une double identité et moi je l'admire beaucoup parce que c'est la force et l'intelligence dans une même personne et tout ça au service de la justice. Ok. Et Clément, pourquoi Talia al Ghul doit-elle être She-Hulk? Alors déjà pour une bonne raison, c'est grâce à elle qu'on a eu Damian Wayne, aka le meilleur Robin de l'univers hein, de Batman, forcément. Ouais, je sais, y en a qui sont pas d'accord. Et également parce que, bon, on le sait pas, mais ça se trouve, elle a réussi à faire un gosse de force à Bruce Wayne, et ça, c'est pas donné à tout le monde. puis aussi parce qu'elle est quand même l'une des leaders de la Ligue des Assassins. Donc la Ligue des Assassins, c'est pas n'importe quelle organisation. C'est quand même une organisation qui peut un peu foutre une grosse poutrée à n'importe qui. Ouais, c'est parce que le si ça se trouve tout ça. Ouais, voilà. Oh, non, nous on veut des faits, hein, pas des rumeurs, mais si ça se trouve, elle aurait fait ça. Allez, on va passer au point. Talia et Fiolk ont toutes les deux obtenu un petit point de la part des auditeurs. Je vous pose la question, Elvire, veux-tu sortir ton Joker ? Non. Clément, veux-tu sauver ton honneur et sortir ton Joker ? Non. D'accord. J'imagine que vous donnez chacun votre point à votre personnage ? Oui. Alors, nous allons passer au vote. Arnaud. C'est dur quand même. Oui. Mais bon, malgré le petit hommage que je viens de faire à Clément, je vais voter pour Fiolk. Oh, j'apprécie l'hommage. Byron. Moi pour Fiolk. Moi, je vais voter pour Talia parce que ça serait plus facile. Pourquoi ? Pas pour le prochain combat. Le stratège. C'est mon Nightwing qui va affronter le gagnant de ce combat. Donc. Mais dès la première émission, t'es dans la stratégie. Ah bah, t'es pire que dans Koh-Lanta, toi. T'es un pourri. Je fais ça pour gagner, c'est tout. Nib. Disons que j'étais plus convaincu par l'argumentation d'Elvire, donc je vais voter She-Hulk. Tout le monde a voté ? Oui. She-Hulk 8, Talia al Ghul 4. She-Hulk passe donc au prochain tour et affrontera Dick Grayson. Dans quelques minutes, on va passer au troisième combat. Howard the Duck. qui est mon personnage. Contre le Thor féminin de Clément. Ah, surprise. Allez Clément, je vais prendre la parole en premier puisque jusque là tu as frappé à chaque fois en premier. Howard the Duck, est-ce qu'il y a besoin de présenter Howard the Duck quand on a vu le film Guardians of the Galaxy ? Non, mais je vais le faire puisque je parle du personnage comics. Howard the Duck est apparu pour la première fois dans Adventure into Fear en 1973 et il a été créé par Steve Gerber et Val Majerik. Howard the Duck est un canard humanoïde qui vient d'une planète un peu étrange où tous les personnages sont comme nous, sauf qu'ils sont des canards. Voilà. Il se retrouve un peu contre son gré sur Terre, donc c'est ce qui le rend certainement un peu aigri, et il va croiser beaucoup de personnages de l'univers Marvel dans sa carrière, carrière de détective principalement, et il vient de refaire surface dans l'univers Marvel en comics sous la plume de Chip Zdarsky, et c'est juste génial. Clément, Thor féminin, donc là pour le coup c'est un personnage très récent puisqu'il est apparu en octobre à partir de octobre. Mm-hmm. C'est le premier Thor féminin de Marvel, donc en ça c'est un personnage historique, et j'ai pas lu mais je me suis spoilé donc sorti, et ce Thor là n'est ni l'autre. C'était une grosse surprise, et parce que c'est un Thor féminin et que c'est très osé et que le personnage est badass, elle a quand même bien mis cher à Thor dans le comics en masculin, et donc pour une fois qu'un personnage féminin est iconique et ça fout une route à Thor quand même très bien. Ok, pourquoi War the Duck devrait gagner ? Bah tout simplement, Clément l'a dit, Thor féminin c'est... Voilà, je crois que tout est dit. La fille la plus agaçante de l'univers Marvel et qui finalement, pour être cool, a eu besoin de trouver un marteau. Bah c'est un peu embêtant pour elle quand même. Donc on parlera pas du coup marketing évidemment, hein, Thor féminin. Voilà, est-ce que c'est pour l'histoire ou est-ce que c'est pour vendre des comics qu'on a mis une femme sous le masque de Thor en sachant que ça ferait vendre des pelletés de bouquins. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne manière de mettre les femmes en avant. Du coup, je vais juste m'appuyer, vous dire pourquoi elle devrait pas gagner. J'ai pas besoin de dire pourquoi War the Duck devrait gagner. Tu peux répondre si tu veux, mais bon. Mais déjà parce que c'est déjà suffisamment rare qu'une femme réussisse. Vas-y, creuse. Ouais. Mais c'est surtout en face il y a quand même un canard, quoi. Un canard, c'est quand même le summum du ridicule. Qu'est-ce que t'as contre le canard ? De quoi ? Allez, tu viens de perdre les voix de Nib, tu as perdu les voix de Elvire en parlant qu'une femme ne réussit pas. Vas-y, continue. Non, tu ne crois pas ça. J'adore ça. Non. Allez, on va passer au point alors. Mais t'as pas dit si je voulais le sauver, hein. Ah, est-ce que tu veux utiliser ton Joker ? Bah oui, quand même. Oh, fumier. Tu veux donc tuer Howard the Duck ? Ouais, exactement. Ok. J'ai tué un canard. C'est donc validé. Thor féminin passe au prochain stade. N'importe quoi. Et Clément... Elle aurait peut-être pu gagner, sans ça. Et Clément... Moi, j'allais voter pour Thor féminin. Moi aussi. Pas moi. Et Byron ? Moi, je pense que j'aurais voté pour Howard the Duck. Ah, donc on se retrouvait à un match nul, ce serait donc les auditeurs qui auraient tranché et ils avaient attribué 2 points à Ward et 1 point à Thor. Donc tu as bien fait d'utiliser ton joker. Je vais juste valider donc hop le passage. Et le dernier combat, eh ben Elvire, ça va être difficile pour toi parce que c'est 2 de tes petits bébés qui vont se confronter. Rocket Raccoon versus Miss Marvel, eh ben c'est à toi Elvire. Rocket Raccoon, est-ce que j'ai besoin de présenter Rocket Raccoon qui n'a pas vu... Enfin, on parle pas du personnage dans le film, mais donc c'est un humanoïde qui a la forme d'un qui voyage dans l'espace, qui a un bazooka et qui rencontre qui a un meilleur ami qui s'appelle Groot et qui rencontre Star-Lord mais voilà, il fait sa petite vie de mercenaire dans l'espace avec son bazooka et tout ça. Donc voilà pour Rocket Raccoon. Et Miss Marvel. Alors, c'est. En fait, je me suis rendu compte que ça pouvait décrire pas mal de monde, enfin pas mal, plusieurs personnes. Mais moi, derrière Miss Marvel, je mets Kamala Khan, donc la nouvelle Miss Marvel, la série a commencé en 2014. Donc c'est une jeune fille de 16 ans, américaine d'origine pakistanaise et qui est musulmane. Et donc on voit sa vie dans le New Jersey. Et donc forcément, au départ, elle est fan de super-héros et tout ça, et elle devient elle-même une super-héroïne à cause des... Ah, on a vu ça en plus dans... à cause d'une brume tératogène. Et donc elle était inhumaine, donc son pouvoir elle a acquis son pouvoir avec ses brumes. Alors, pourquoi j'ai choisi Rocket Raccoon ? Et pourquoi il devrait gagner ? Et après, pourquoi Miss Marvel devrait gagner ? C'est un raton laveur qui parle. Oh là voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus ? Un raton laveur badass, qui tire sur tout le monde, qui parle, qui a la répartie, qui comprend Groot. Alors, rien que pour ça, on est content qu'il existe. Surtout dans le dernier comics sur Groot. Il est bien là pour nous traduire un peu ses I am Groot. Bah, pourquoi il devrait gagner ? Parce que c'est un raton laveur qui parle. Juste pour ça, ok. Ouais, c'est juste une bonne raison. Miss Marvel ? Et Miss Marvel, alors au contraire de ce que disait Mathieu, est-ce que c'est bien qu'on mette des femmes ? Est-ce que c'est pas juste pour vendre des comics ? Peut-être, mais on en a besoin. Donc, qui est une héroïne jeune, femme, en plus musulmane, je pense qu'on en a besoin surtout en ce moment. Ça pourrait peut-être faire changer des opinions de voir que voilà, on peut être une jeune femme musulmane et être une super héros, donc être super badass. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes ou même d'adolescents hein, qui pourraient qui se retrouvent en elle et qui sont contents d'être représentés dans les super héros. En plus, elle est drôle, elle a plein de références geek dans les comics. Elle est touchante. On voit son dilemme entre sa vie d'adolescent qu'elle voudrait avoir et tout ce qui concerne sa confession, sa religion. Et donc le personnage intéressant et le comics en lui-même développe des thématiques intéressantes et c'est bien développé. Surtout en ce moment, on entend tout et n'importe quoi, surtout sur la religion musulmane. Donc voilà. Et mais savoir qui devrait gagner, c'est pas possible. Je peux pas décider qu'il y en a un qui gagne. Mais encore. L'autre pour lui. Si tu décides ça, c'est que tu utilises ton joker, mais voilà. Non, tu peux pas sauver les deux. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Je peux pas sauver les deux. Alors, tu as encore quelques temps pour réfléchir, juste pour annoncer que les auditeurs ont donné 5 points à Rocket Raccoon. Il était en tête pour cette émission. Et Miss Marvel a eu, quant à elle, 2 points. Ça va peut-être t'aider à faire ton choix. Pour qui votes-tu, Elvire? C'est dur parce que je sais que stratégiquement, Rocket Raccoon m'emmènera loin parce que, c'est Rocket Raccoon. Mm-hmm. Mais est-ce que je pourrais me regarder dans une glace et mettre à mal tous mes idéaux et mes valeurs juste pour gagner quelque chose? Non, je vais choisir Kamala Khan. Ok. Pour tout ce qu'elle représente. Courageux. Arnaud. Pareil, je vais la suivre, Miss Marvel. Byron. Ouais, je suis d'accord, Miss Marvel. Clément. Rocket Raccoon. Nib. Toi, te Rocket Raccoon. Peu importe pour qui je vote, au final, si je vote pour Miss Marvel, il y aura égalité et c'est Rocket Raccoon qui passera parce que les auditeurs ont donné plus de points à Rocket Raccoon. Et si je vote pour Rocket Raccoon, je fais passer Rocket Raccoon d'entrée. Donc, du coup, je vote pour Kamala Khan, histoire de la soutenir jusqu'au bout. Mais donc, qui c'est qui gagne ? C'est quand même Rocket Raccoon. C'est Rocket Raccoon qui passe grâce au fait qu'il était en tête chez les auditeurs. Au revoir, Miss Marvel. Allez, on va passer aux demi-finales maintenant. Première demi-finale, Dick Grayson revient en course contre She-Hulk pour Elvire. Elvire, pourquoi She-Hulk devrait battre Dick Grayson? Ouais, je viens de le dire. Non, c'est pas la même émission. Ah, c'est pas le même combat. C'est pas le même combat. Attention, moi j'ai d'autres arguments. Mais c'est pas le même combat. J'ai déjà donné toutes mes cartouches. Ah bah voilà, bah pas moi. Et bah oui, bah pas toi. Mais parce qu'il y a plus à dire, il y a moins de choses qui ont été écrites pour She-Hulk, malheureusement. Parce que sinon, vous jouez le jeu du patriarcat. Et vous êtes tous des connards sexistes. Ok. Mais je vais démonter ton truc plus en te disant que de toute façon, mêlez les deux sur un trapèze. Tu peux pas tester. She-Hulk, elle serait tam. Et pourtant, c'est une femme. Elle est censée être agile, élégante, gracile. Mais non, c'est un homme qui le fait. Des clichés sexistes. Mais elle est censée être douce. Elle est censée être tendre. Et puis elle est pas douce. Elle est balée. Oh non, non, non. Justement, elle n'est pas douce. Elle est vile, elle est perfide. Elle cache sa violence. Elle cache sa violence. Non, elle fait partie d'elle, mais elle sait la gérer. Contrairement à Bruce Banner. Elle sait mieux la gérer que lui. Et elle a eu tellement de force, elle a eu tellement de force de caractère qu'elle a su garder toute son intelligence et sa double. Il a beaucoup du mal, Banner. Je vais rajouter une petite chose en faveur de Dick Grayson. Je vais dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui, dès qu'il a eu l'occasion de soutenir le cirque Ali dans lequel il a grandi, là où il a vu mourir ses parents, il l'a fait. Quand il a eu un peu d'argent pour racheter le cirque, il l'a racheté. Il a permis à tout le monde de garder son boulot. Elle soutient son pays, elle soutient la justice, la loi. Il y a quoi de plus noble que ça en étant avocate? Oui, mais est-ce qu'elle a oublié d'où elle vient ou pas? On ne sait pas. Digression. On ne sait pas. Donc tu n'as pas le droit de, comment dire, de la condamner sur des faits. Tu ne sais pas. C'est des présomptions, votre nom. Je ne la condamne pas. Je dis juste que Digression, on sait que c'est le cas. Tu émets un doute dans les oreilles des auditeurs et du jury. Oh, est-ce qu'elle n'aurait pas oublié? Tu ne sais pas. C'est des ouïdires. Non. Je vais sortir une dernière chose quand même. Dick Grayson en Nightwing. Date costume, date classe. She-Hulk en vert avec ses fringues déchirées. On peut pas parler des costumes parce que mon personnage est soumis au dictat du patriarcat où elle est obligée d'être dans un bikini de merde. Et c'est parce qu'elle déchire ses vêtements. Voilà, je pense qu'elle s'est enfoncée toute seule. On va pouvoir passer. Je pense. Est-ce que tu veux utiliser ton Joker pour She-Hulk ou est-ce que tu le gardes pour une autre émission ou pour Rocket Raccoon tout à l'heure? Je prends mon Joker. D'accord. Oh non. Attendez, ça ne veut pas dire que Dick Grayson est parti, parce que Dick Grayson a plus de points du public. Donc si je prends aussi mon Joker, c'est Bye Bye She-Hulk. Mais je vais pas le faire, parce que j'ai un personnage que j'ai encore envie de plus de défendre. Et je note que, deux fois de suite, j'aurais été victime de cette règle dégueulasse. C'est de la faute, hein. Mais tu l'as créé toi-même, alors. C'est ça qui l'a créé. Mais c'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres twists plus tard. Deuxième demi-finale, Thor féminin contre Rocket Raccoon. Oh putain. Oh, Clément, pourquoi Thor devrait mettre une branlée à Rocket Raccoon? Bah encore une fois parce que c'est un raton laveur, c'est une femme, donc pour tous les féministes qui nous écoutent, ce Thor féminin c'est honneur aux femmes, et en plus Thor, pour qu'une femme porte le marteau de Thor, c'est quand elle est digne, donc c'est techniquement c'est le personnage le plus digne de l'univers Marvel de tenir le marteau, donc de facto c'est pas Rocket Raccoon qui pourrait tenir le marteau de Thor, donc forcément que le personnage Thor féminin est forcément supérieur à Rocket Raccoon. Mais si on a le choix entre un marteau et un bazooka. Ah, ça va, ça va. On aurait dit qu'il est bon. Ok. Moi j'ai un Rocket Raccoon, il a un bazooka, quoi. C'est quand même un peu plus badass et. Ok. Et c'est un raton laveur qui parle. Ok. Évidemment, pourquoi on n'y avait pas pensé? On va passer au point. Je rappelle que Thor féminin a eu un point du public et que Rocket en a eu quant à lui 5. Arnaud, j'imagine que vous donnez chacun un point à votre personnage. Oui. Clément, tu as utilisé ton Joker. Elvire, tu as utilisé aussi ton Joker, donc on va au point. Arnaud. Au départ, j'allais voter Thor, mais finalement, l'argument du bazooka m'a fait chavirer de bord et Rocket Raccoon. Bande de vendus. Byron. Moi, je vais voter pour Thor. Nib. Alors l'argument de d'Elvire a été bon, bazooka ou marteau, donc même si j'aime pas Thor féminin, bah je vais quand même choisir marteau. Allez. Je préfère un marteau au bazooka, je suis désolé. Ah oui, d'accord. Ah, donc c'est cool, OK. Et je vais pour ma part voter pour Thor. Stratégique. On arrive à 8 points pour Rocket Raccoon, 8 points pour Thor. Ce sont donc les auditeurs qui tranchent et c'est Rocket Raccoon qui passe. Mais non! Non! Honteux! Et pour la finale de cette première émission, Elvire va encore devoir choisir entre deux de ses personnages, She-Hulk ou Rocket Raccoon. Tu n'as pas à les défendre, tu as juste à nous dire cette fois pour qui tu votes directement. Bon, j'ai fait un choix où j'ai pas joué la stratégie, j'ai joué sur les valeurs. Non, bah, je vais la stratégie. Rocket Raccoon. D'accord. Donc, tu donnes ton point à Rocket Raccoon. Je rappelle que She-Hulk avait eu un point des auditeurs et Rocket Raccoon en avait eu, quant à lui, 5. Arnaud. Stratégiquement, She-Hulk. Stratégiquement, She-Hulk. Non, moi, je commence à faire une stratégie. Clément. Attends, redis, j'étais à un autre part. C'est She-Hulk ou Rocket Raccoon? Bah, Rocket Raccoon. Nib. She-Hulk. Byron. She-Hulk. Moi, j'ai tellement d'affection pour She-Hulk que je ne peux que voter pour elle. Si j'aurais adoré pouvoir la choisir si elle n'avait pas été prise avant. Donc voilà, là ça y est, j'ai l'occasion de le faire parce qu'elle n'est pas contrainte de mes personnages, donc je vote pour She-Hulk. She-Hulk 10, Rocket Raccoon 8. Bim. She-Hulk est donc peut-être la première finaliste, mais il y a un twist. Voilà, parce que c'est mon personnage qui gagne, il y a un twist. Non, rappelez-vous, au tout début, vous aviez choisi chacun 12 personnages, il y en a 4 qui étaient passés à la trappe. Il y a 4 émissions, et ils reviennent. Oh, Colin. Vous avez donc un twist qui arrive ici, et c'est un switch que je vous propose. Est-ce qu'on garde She-Hulk, ou est-ce qu'on sauve un personnage de Byron, qui fait son retour dans cette émission, et il s'agit... Pourquoi on sauve pas mon personnage? Ben, parce c'est que c'est un tirage au sort qui a établi parmi les 4 personnages qui avaient été éliminés d'office et qui n'avaient pas été soumis au vote. C'est un tirage au sort qui les a placés. Et le personnage de Byron contre lequel on peut échanger She-Hulk, c'est Iron Fist. Oh non. Alors Clément n'a pas le droit de voter. Hein. Il est trop impartial. Non, trop partial, justement. Byron, c'est ton moment. Je te laisse l'occasion de nous expliquer pourquoi on devrait bafouer les votes et choisir Iron Fist au dernier moment plutôt que la gagnante de l'émission. Alors déjà, parce qu'Iron Fist, il est vraiment trop cool. Son costume est vraiment, vraiment stylé. Qui va bientôt avoir sa série sur Netflix. Donc on va se rendre compte à quel point c'est vraiment un héros qui est vraiment cool. C'est un ninja, il spécialise des arts martiaux. Et il est toujours un peu urbain. Donc je pense que c'est quand même un bon point. Et enfin, je trouve que son histoire avec la cité de Kunlun et tout, il a un beau background. Sa série actuelle, elle est plutôt cool. Donc, je pense que pour ça, il devrait gagner contre Chine. Et maintenant, il va falloir qu'on choisisse chacun notre tour, sauf Elvire, bien sûr, qui est la coach de She-Hulk, qui attribue, j'imagine, automatiquement son point à son personnage. Donc, nous allons choisir... Je sens le complot. Échange ou pas échange, Arnaud. Bah, désolé, t'auras pas de plot twist, en tout cas de ma part, c'est She-Hulk. Merci. Byron, tu donnes ton point à Iron Fist? Ah ouais. Sans jeu de mots. Clément. Bah, tu me prends par les sentiments, là. Voilà, Iron Fist. Nib. Je laisse ma voix pour Elvire. She-Hulk. C'est ça. Hulk. Merci. Mathieu. Tu as dit que ton personnage préféré et que tu l'aurais pris, entre guillemets, si je l'avais pas déjà choisi. Ouais, mais t'as éliminé tout récent. Non. Alors là, on t'aurait jamais dû dire qui avait le plus de personnages en jeu, parce que maintenant, ça va être stratégique. T'as éliminé Dick Grayson, mais je garde She-Hulk. Oh. She-Hulk est donc la première finaliste des Infinite Wars et on la retrouvera le 6 septembre en direct. Et elle devra faire face, vous vous en doutez, à de nombreux nouveaux twists. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le round numéro 2, un round consacré aux univers ciné et télé. D'ici là, bonnes vacances, puisqu'on est quand même en été. À bientôt. Salut. Salut. Salut.